Citoyennes, citoyens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons le grand plaisir de vous présenter la grande formation internationale La Frisa. Et pour débuter, nous allons commencer par les rythmes. Petit à petit, on va vous les présenter. Vous en serez très contents. Otumba, le fameux Ama. Odrum, à la batterie, Molenga. À la basse, le chef d'orchestre, Kola, alias Philo. Au revoir, écoute cela. Ah. À l'accompagnement, Lokasa, Lokasa Yambongo, Lokasa Yazaï, mon solo. La guitare solo, Mavatikou, alias Michelino, le grand compositeur. Et au saxo ténor, le soliste, le meneur, Mpompo DS. Saxo deuxième voix, Mécanici, Modero. À la trompette, première partie, le doyen de l'orchestre, Vieux Biolo. Et la deuxième partie, à la trompette, Nzenze, Papé Amabo. Oh. Et voilà, maintenant les voix, successivement, nous avons, présentez-vous, Malao Enesi. Le chanteur-compositeur que vous n'ignorez pas qui va se présenter, comment vous appelez? Kassandan Kachama, alias Karimouzo. Do ré mi fa sol la si do do si la sol va mi ré do ne do di do. C'est la voix de Taboulay, votre serviteur. Management, vous avez au bureau, vous avez au management, au bureau d'autre grand manager, le big manager, Wango, ici Nyoma, Selija, Philo, au boulot, envoyez l'orchestre, montez!